Au départ, quand j'ai rapidement parlé, j'ai oublié son prénom, mais avec elle, je lui ai dit que j'avais fait un travail de recherche sur le conflit israélo-palestinien et que j'intervenais sur ce sujet, notamment dans son impact en France. Est-ce que vous étiez au courant de ça ou pas du tout? Ouais, c'est ça que vous attendiez. Ok. Donc, de ce côté-là, j'ai aussi un autre élément d'information à vous soumettre, c'est que à 17h aujourd'hui sur la place de la République, il y a un rassemblement du collectif Ni guerre ni état de guerre, suite auquel je participe aussi, suite au bombardement de la France contre Daesh, qui ont tué 200 civils en Syrie il y a quelques jours. Et pour moi, il y a un lien entre le terrorisme et la politique extérieure de la France, d'une part, et d'ailleurs le conflit israélo-palestinien, en fait. Parce que c'est des strates à mon avis, moi je l'analyse comme des strates de colonialisme et d'anticolonialisme ici et là-bas. Voilà, donc je peux vous faire un petit débat, un petit topo là, qui serait un peu adapté à la situation, mais ça peut être un peu sportif. Et sinon, bon, je commence par vous informer que donc je suis né à Tel Aviv, en fait. Je suis de nationalité israélienne, franco-israélienne. Voilà. Donc il y a un moment, moi j'ai commencé à militer en France contre le Front National, contre l'extrême droite, et puis les gens avec qui je bossais à ce moment-là, c'était l'époque de la deuxième intifada. Et donc, j'avais jamais réellement réfléchi sur ce conflit. Moi, quand j'étais en Israël voir ma famille, c'était un pays cool avec une famille accueillante, et puis il n'y avait pas de souci, quoi. Voilà. On voyait les accords de paix avec Arafat et Rabin qui se serraient la main, et on se disait chouette, ça va s'arranger. Ça en restait là. Et puis, en fait, avec cette intifada et la répression, Sharon qui vient sur l'esplanade des mosquées ou le Mont du Temple, selon les interprétations. Et la colonisation et la lutte qui reprend. Donc j'étais amené à réfléchir sur la question avec des gens qui m'ont amené à caractériser Israël comme un État qui existe parce qu'il a été soutenu par l'impérialisme. Fondamentalement, voilà. Donc si je peux poser la base de mon analyse, c'est que en Palestine, si on remonte au début. Il y a eu des Hébreux, il y a eu les Romains qui ont détruit le temple, mais les Juifs disent qu'ils ont été, enfin les sionistes ont reconstruit l'histoire juive, et ils disent qu'on a été dispersés et que donc il y a une légitimité à se rassembler parce qu'on a été expulsés il y a 2000 ans. Et moi personnellement, donc pour aussi reprendre un peu sur mon parcours, j'ai été étudiant en histoire et j'ai jamais validé, mais je suis allé en Israël et en Palestine rencontrer des historiens israéliens et palestiniens sur la nouvelle histoire israélienne, donc une manière de la réécrire en fonction de l'ouverture des archives dans les années 80, et qui a amené en fait à remettre en cause la version officielle d'Israël comme un petit État victime qui arrivait dans un endroit où il y avait personne, et qui sont défendus contre plein d'Arabes qui voulaient les chasser de leur juste retour dans leur terre d'origine. Voilà. Et donc il y a des historiens israéliens qui ont remis cela en cause. En tant qu'étudiant en histoire, je suis allé les interroger, ainsi que des historiens palestiniens pour avoir leur opinion là-dessus. Donc bon, ça me donne une petite expertise sur la question. Et donc, pour revenir quand même sur les fondamentaux où j'en étais là, avec le point de départ, donc il y avait des Hébreux, les Romains sont venus, ils ont détruit le temple, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le peuple juif était déjà un peuple diasporique, avec plein de juifs dans de nombreux tout autour de la Méditerranée. Il y avait les Juifs et les Arméniens qui étaient dans cette situation-là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, donc, cet endroit est devenu romain, byzantin, conquis par les Arabes, qui ont été accueillis en libérateurs par les populations locales, parce que l'islam accordait aux religions minoritaires un statut de dhimmi, donc avec un impôt, en échange de la liberté du culte. Et leur impôt, en fait, il était moins cher que celui des Byzantins. Donc les gens ont l'expansion musulmane s'explique aussi parce qu'ils ont proposé un modèle de société à l'époque qui a convaincu les populations. d'une certaine manière. Parce que comment ils auraient pu de si peu s'étendre autant. Donc c'est devenu musulman. Et à ce moment-là, beaucoup d'Hébreux qui étaient restés se sont probablement convertis. Et ethniquement, sur la filiation ethnique, ce serait plutôt les Palestiniens qui seraient les héritiers génétiques des Hébreux. Ça a été prouvé. Donc les Juifs étaient un peuple diasporique qui sont restés très minoritaires en Palestine. Il y a eu les croisades. Et puis c'est resté arabe, musulman. Ça a été l'Empire ottoman. Et à la fin du 19e, il faut se rendre compte que la création d'Israël est vraiment la conséquence d'une problématique européenne qui est liée à l'antisémitisme chrétien, traditionnel, le peuple de ceux qui ont assassiné le Messie. Et donc, les Juifs étaient quand même moins bien en Occident que dans le monde musulman. Il y a eu un énorme espoir avec la Révolution française qui a donné, avec l'émancipation, la perspective de l'égalité politique. Et quand il y a eu l'affaire Dreyfus en France, où la droite française, l'armée, l'église, ça a complètement divisé le pays et il y a eu des violences contre les Juifs à nouveau et une grande résurgence de l'antisémitisme, les Juifs du reste de l'Europe qui étaient dans des empires chrétiens et où ils avaient des difficultés à s'intégrer, ils ont perdu un énorme espoir dans la possibilité de normaliser et d'être acceptés dans les populations européennes, vu que la France, le modèle de l'intégration, redevenait antisémite comme les autres. Et c'est donc à ce moment-là que le peuple juif n'existe pas pour moi, mais les Juifs dans les différents pays européens, ils étaient majoritairement socialistes. Ils étaient, la majorité des Juifs étaient d'ailleurs en Pologne et en Russie et s'est organisé dans la première organisation révolutionnaire qui s'appelait le Bund. Et le Bund, il était pour dissocier, c'est très intéressant ça, dissocier l'appartenance religieuse ou identitaire de l'organisation étatique. Il pouvait très bien y avoir des Juifs dans la Pologne, des Juifs en Russie, mais ils voulaient une auto-organisation uniquement sur le plan communautaire en tant que Juifs, qu'on les laisse avoir leur religion, le droit de s'organiser, qu'ils soient reconnus comme une nation, mais ils n'avaient pas besoin d'État pour être reconnus comme une nation. Ça, c'était le projet Bund, qui était un projet basé sur des ouvriers qui se battaient en faisant des grèves, etc. Et donc ça, c'était vraiment la majorité du peuple juif en Russie. Ils étaient énormément bolcheviques. Trotsky était bolchevique et Kamenev, Zinoviev, enfin, ils étaient des tonnes. Pourtant, une infime minorité des Juifs ont voulu, ont créé le sionisme politique à la fin du 19e. Il y a d'abord eu un sionisme un peu religieux. Les amants de Sion, c'était des gens qui revenaient en Palestine. Donc la Palestine était ottomane. Et quelques Juifs d'Europe ont lancé des colonies agricoles avec le soutien de Rothschild. Ça a donné Petah Tikva, enfin quelques villes qui existent encore. Bon, ça se passait plutôt bien. Le sionisme politique, c'est une rupture complète, puisqu'ils disent qu'ils veulent, à l'inspiration de toutes les révolutions nationales depuis 1848 en Europe, qui étaient sur une nation, un État, ils voulaient que les Juifs se retrouvent en Palestine, et d'ailleurs pas forcément en Palestine, ils voulaient qu'ils se retrouvent quelque part, qu'ils se reconstituent et qu'ils se dotent d'un État. Voilà, c'est ça le sionisme politique. Et pour ça, ils savaient... Alors, le fondateur, c'était Theodor Herzl, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'État juif ». Et il a organisé, avec d'autres, le congrès sioniste international, qui, dans les années 1895-1905, a adopté ce projet de reconstruire un État juif quelque part. Et pour ça, leur manière de faire, c'était en même temps d'y aller, et en même temps, surtout, de négocier avec des grandes puissances, qu'ils aient une reconnaissance pour être un véritable État. Donc ils ont commencé par négocier avec les Ottomans, qui les ont envoyés paître en leur disant « ça ne créera que des problèmes ». La Palestine est une province ottomane, il y a une majorité de musulmans, des chrétiens, des juifs, des Chaldéens, plein de petites sortes de religions. Bon, tout ce monde-là s'entend plutôt bien. Les Ottomans n'avaient pas intérêt à favoriser un nationalisme juif là-bas. Ils se sont adressés aux Anglais. Et aux Anglais, ils leur ont même demandé d'avoir un bout de terre en Ouganda. À un moment, ça a été à deux doigts de se faire. Et Herzl lui-même, le fondateur du sionisme, ça lui convenait très bien d'aller en Ouganda. Donc vous voyez que ce n'était pas forcément attaché à cette terre. Mais il y avait quand même des juifs qui étaient installés en Palestine et qui combinaient en fait l'aspect libération nationale et la pratique religieuse, culturelle. Et donc pour ça, ça avait du sens de se retrouver en Palestine. Ils l'ont emporté dans le Congrès sioniste international et Théodore Herzl et les autres, ils essayaient de négocier avec les Allemands, qui étaient des grands alliés des Ottomans, qui ont refusé. Avec les Russes, ils sont allés voir le tsar et son ministre, Plekhanov, qui était un grand organisateur de pogroms. Donc, les ouvriers, enfin, la population pauvre de Russie, quand ils s'énervaient, on leur disait c'est la faute aux juifs, les usuriers allaient donc casser leur quartier, en pendre quelques-uns, et la police du tsar ne dira rien. Donc ça s'est fait à Kishinev de nombreuses reprises, et c'était une situation catastrophique. Et donc les sionistes ont négocié avec lui en lui disant les juifs, ils vous embêtent en Russie, en plus ils deviennent révolutionnaires, ils trouvent pas leur place, faisons un deal, soutenez-nous, et nous on les exporte là où on veut qu'ils soient. Et le tsar les a envoyés paître. Mais donc, pour moi, c'est déjà l'illustration que, mais ça c'est personnel, hein, que le fait de vouloir rassembler les juifs quelque part pour qu'ils soient bien, c'est un projet raciste, c'est un projet réactionnaire. Enfin, ça pourrait peut-être être sympathique si ça se faisait de manière correcte, mais vu comme ça s'est fait en partenariat avec une puissance impérialiste, et bon, il faut que j'avance, je veux que les sionistes et n'importe quel juif disent aux autres juifs que s'ils sont comme n'importe quelle autre religion, enfin voilà, qu'on a le droit d'être dans plein de territoires et d'être en harmonie multiconfessionnelle. Voilà, la laïcité un peu c'est ça qui est progressiste. Et le fait de rassembler les juifs comme solution à l'antisémitisme, c'est une défaite et une alliance avec l'extrême droite, c'est une confirmation, c'est un projet réactionnaire a priori. Voilà. Bon, mais ça peut être débattu, hein. Donc ils ont démarché les Français qui ont refusé, finalement ils ont démarché les Anglais qui ont accepté, et c'est le Lord Balfour, le ministre des Affaires étrangères de Chamberlain en 17, qui a la déclaration Balfour en gros soutient la création d'un foyer national juif en Palestine. Et donc les sionistes étaient extrêmement contents. On était à 3 semaines après la révolution russe. Les Churchill et compagnie étaient des antisémites. Pas pour rien qu'ils n'ont pas bombardé les rails qui allaient vers les camps d'extermination. Et ils pensaient que les juifs communistes de Russie voulaient un État communiste international et qu'il fallait donc soutenir des juifs qui parlaient plutôt d'aller se rassembler en Palestine, pour les dévoyer de cette sédition, de cette menace intérieure au niveau économique, social et politique que représentait le communisme en fait. Donc il y avait cet intérêt là. Le principal intérêt du Foreign Office, c'était faire venir une population européenne à côté du canal de Suez. C'était une base de soutien qui divise le monde arabe, une implantation là-bas qui sera solidaire des Occidentaux au milieu des populations arabes et qui protégera la voie commerciale vers l'Empire des Indes, qui était la priorité stratégique de la Grande-Bretagne. Ça, c'est, je pense que c'est la raison la plus explicative. Et donc il y a eu un accord. À ce moment-là, les Français et les Anglais, comme ils voyaient qu'ils étaient en train de gagner la Première Guerre mondiale et qu'ils allaient se partager les dépouilles de l'Empire ottoman, ils se sont vus, c'est les accords Sykes-Picot de 1916, qui sont très importants. Parce que les premiers à les avoir rompus, en fait, c'est Daesh. Mais depuis 1916 et ce partage de la France et de la Grande-Bretagne, ils ont dessiné des pays qui sont la géographie actuelle du Moyen-Orient. Et lors de ces accords Sykes-Picot, en fait, il faut savoir que vous connaissez sans doute le film Lawrence d'Arabie. Les Anglais, il y en avait qui soutenaient le nationalisme arabe. Et pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient promis à la famille Hussein qu'il leur donnerait le grand royaume arabe uni. Et ensuite, ils les ont trahis, puisqu'en même temps qu'ils ont promis aux Arabes l'indépendance nationale en échange de leur soulèvement contre les Ottomans, ils ont promis aux Juifs un bout de la Palestine. Donc là, il y avait clairement une trahison, une première. Et la deuxième, c'était que les Français et les Anglais, en fait, ils avaient décidé qu'il y aurait une Palestine, qui serait anglaise, une Égypte, une Arabie Saoudite qui est amie de la Grande-Bretagne. Cette dynastie des Séoudes, c'est rien d'autre que du Daesh qui a marché avec l'accord de la Grande-Bretagne comme gardien du pétrole depuis 1870 là. Et c'est eux qui ont fait le wahhabisme. Ils sont très proches de Daesh au niveau de l'idéologie religieuse, la pratique. Mais ils ont décidé de créer une Jordanie, un Irak, un Liban, une Syrie. Voilà, en gros, c'est ces pays-là qui ont été créés avec les accords Sykes-Picot. Ils avaient promis un royaume arabe uni, et ils ont donné aux trois frères de la famille Hussein. Alors, je vais me planter un peu sur les prénoms, mais Abdallah, il a eu la Jordanie. Il y en a un autre qui a eu la Syrie, un autre qui a eu l'Irak. Et donc, ils ont joué la division entre les trois frères pour qu'il y ait trois royaumes divisés. Donc là encore, trahison du nationalisme arabe, qui a porté la gauche arabe, y compris dans les années 50 avec Nasser. L'Égypte et la Russie, l'Égypte et la Syrie, à un moment, ont fait la République arabe unie. Donc cet idéal, le nationalisme arabe est aujourd'hui battu en brèche parce qu'il a été décrédibilisé. Mais il date de ce moment-là, cet espoir et cette frustration. Dans les années 20, les Anglais et les Français répartissent le Moyen-Orient, font la guerre. La France fait la guerre en Syrie en 1925 pour réprimer dans la violence des volontés d'indépendance nationale. Donc ce qui se passe, c'est que la Société des Nations entérine que les puissances françaises et anglaises ont des mandats. Donc c'est pas des colonies, c'est des autorités locales avec un protecteur derrière, sur tout le Moyen-Orient. Et la situation de la Palestine est particulière, vu que il y a en même temps des émigrants juifs qui arrivent, auxquels les Anglais accordent un statut particulier, les favorisent. Ils favorisent la construction du foyer national juif, qui s'appelle le Yishuv. Ils lui reconnaissent une existence, ils lui laissent l'autogestion de toutes les affaires concernant les juifs sionistes, et ils encouragent leur implantation. Les Palestiniens commencent à comprendre qu'ils vont se faire chasser, et font une première révolte à Hébron en 1920, un énorme mouvement en 1936, qui de 1936 à 1938, avec un grand leader arabe, un équivalent d'un peu un Che Guevara, sauf qu'il était musulman, et c'est lui qui est actuellement repris par les islamistes. Et j'arrive plus à me rappeler, je crois que c'est les brigades El Qassam. El Qassam, c'était un grand leader nationaliste palestinien, musulman, des années 1930. Et en 1936 à 38, il y a eu la grande révolte arabe. Ils refusaient de payer les impôts, ils flinguaient les voitures de britanniques et de sionistes qui patrouillaient. C'était la guerre pendant 2 ans. Et à la fin de pour calmer cette révolte, les britanniques ont continué à armer les sionistes pour réprimer ensemble. Donc leur population européenne à disposition est naturellement solidaire. Elle était là. Mais finalement, ils ont quand même concédé aux Palestiniens une restriction du droit à l'émigration. Et donc, en fait, ils ont fermé le droit, enfin, ils ont extrêmement limité le droit des sionistes à faire venir des juifs en Palestine. Donc, c'est de ce moment-là, il ne faut pas se tromper, les sionistes ont été, ont pu avoir l'État d'Israël avec, en étant coucounés par la Grande-Bretagne, mais sur la fin, comme il y a eu une restriction au niveau de l'immigration, il y a eu une dissociation. En 48, il y a eu un grand attentat des sionistes contre les Britanniques. Et ils considèrent que leur indépendance qu'ils ont eue grâce à l'ONU, elle s'est faite contre les Britanniques. Sur la fin, oui, mais fondamentalement, non. Voilà, ça c'est un petit point au passage. Et ah, mais je suis encore aux années 40 là. J'y arrive, ok. Mais c'est... Ah. Ah si. Je suis désolé, l'État d'Israël existe, mais on est contre, hein. On est contre, on lui reconnaît peut-être pas sa légitimité. Ouais. Mais là, tu viens d'arriver, j'en parlais. Donc on est d'accord. Ouais, je vais peut-être essayer d'accélérer. Enfin, je sais pas. J'ai besoin peut-être d'un retour sur est-ce que vous voulez parler. Est-ce que je vais vite? Est-ce que je refais l'histoire comme ça, un balayage? Ok. Donc finir vite. Faut quand même bien comprendre que les Hébreux voulaient se construire entre eux. Hein. Ils demandaient pendant les Britanniques que les Juifs qui arrivent, les patrons juifs, ne devaient embaucher que des ouvriers juifs. Ils étaient contre le fait que les Palestiniens et les Juifs sionistes puissent bosser et vivre ensemble. Il y avait un tout petit bout de sionisme idéaliste, mais minoritaire, et qui a jamais pu, qui a eu la mairie de Jérusalem en 46, mais pas plus. Et donc le sionisme, dans sa réalité, il a été construit par une gauche qui avait une rhétorique socialiste, hein, qui faisait des kibbutz dans lesquels les gens, ils partageaient tous les moyens de production. Mais qui était en fait implanté suivant un schéma militaire, parce que c'était des colonies aussi. Donc c'était communiste entre juifs, mais colonialiste contre les Palestiniens. Et c'est comme ça qu'ils sont implantés. Ils ont toujours eu le projet de grignoter au maximum le territoire. Et depuis cette époque-là, ils n'ont jamais changé. Donc, je vais faire l'histoire comme ça maintenant. 48, ils ont la reconnaissance de l'ONU. Les Palestiniens refusent, résistent. Les royaumes ou les États arabes sont solidaires mais divisés. Et de toute façon, ils sont moins forts parce que Israël a été reconnu par les États-Unis, la France et l'URSS, et armé par l'URSS. Donc, ils avaient toutes les grandes puissances avec eux. Les Palestiniens n'avaient pas le rapport de force militaire. Ils ont résisté, ils se sont fait dégager. Ils voulaient ensuite revenir dans leur maison. Ils se faisaient massacrés, et en fait, pour en revenir aux nouveaux historiens, on a trouvé dans les archives un plan d'expulsion des Palestiniens qui était prévu dans les années 40, 41, 42, qui s'appelle le plan d'Aled. Et on a un type qui était soutenu par le fondateur, le leader Ben Gourion, et qui s'appelait Weitz, et qui a fait la carte des villages palestiniens qu'on pouvait dégager. Et donc, en 48, pendant la soi-disant guerre d'indépendance, ils ont fait un nettoyage ethnique. Voilà, ils ont expulsé 750 000 Palestiniens, suivant les chiffres de l'ONU, qui pour l'essentiel se sont retrouvés à Gaza, à 1,5 million dans 30 km carrés actuellement, enfin, c'est un truc de fou. Et des réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, et puis beaucoup au Liban, en Jordanie, en Syrie, dans le monde arabe et partout. Donc il y a eu cette expulsion pendant la guerre de soi-disant d'indépendance pour les juifs, pour les sionistes, parce qu'on peut être juif et anti-sioniste, hein, j'en suis. Et pour les Palestiniens, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. Nakba étant la traduction en arabe de Shoah, qui est la catastrophe des juifs. Ben, les juifs ont eu la catastrophe, les Palestiniens ont eu la leur. Et donc, en 56, il y a eu une guerre où la France, il faut savoir que c'est la France qui a donné l'arme nucléaire à Israël. La France a toujours été alliée avec Israël. Blum, dans les années 50, il était à fond avec Israël parce que il savait que les indépendantistes algériens se réunissaient en Égypte. Et donc la guerre de Suez de 56 avait aussi pour but pour les Français de donc les Français, les Anglais, les Israéliens contre Nasser, contre la nationalisation du canal de Suez. Pour les Britanniques, c'est garder leur canal. Pour les Français, c'est expulser les indépendantistes algériens en Égypte. Donc les liens entre le colonialisme français et le colonialisme israélien, ils étaient là déjà. Hein. Et c'est celui que la gauche, Pierre Mendès France, qui a mis en œuvre le don de l'arme atomique à Israël. La guerre de 56, pour moi, c'est un très bon exemple de soutien de la France et de la Grande-Bretagne et de service que Israël rend à l'impérialisme. Et les États-Unis ont dit, là, vous foutez trop la merde, il va y avoir la guerre avec l'URSS, vous reculez. Donc tout le monde a reculé, la France et la Grande-Bretagne aussi. Israël a gardé le Sinaï, qu'ils ont rendu dans des accords de Camp David en 80 avec Sadat. Et ça c'était 56, ah non, je me plante un peu. Bon. Il y a eu la guerre de 67, la guerre des 6 jours, provoquée par Israël, et où ils envahissent la Cisjordanie qui était gérée par la Jordanie, et la bande de Gaza qui était gérée par l'Égypte. Ils leur mettent des autorités d'occupation et ils commencent la colonisation. Et ils virent encore 250 000 Palestiniens. Donc le nettoyage ethnique, il a continué. Et 67, donc là le début des problèmes des colonies, l'accord avec l'Égypte en 70. Sabra et Shatila, donc les Palestiniens s'organisent. D'abord avec le soutien des États arabes et ensuite quand ils constatent qu'ils ont peu assez de soutien en indépendance avec certains et en hostilité avec certains États arabes. Donc l'OLP est fondé, je crois, avec le soutien de l'Égypte. Ils sont dans les années 70 en Jordanie. Ils veulent renverser le roi de Jordanie qui est un ami des Britanniques pour faire la révolution arabe. Et du coup, le roi de Jordanie, en septembre noir, en 70, il en tue des dizaines de milliers. Donc ils savent à quoi s'en tenir de la solidarité de certains États arabes. Donc là, la direction palestinienne va au Liban, d'où elle veut adopter la même stratégie. Et Israël, avec Sharon comme général, et le Premier ministre, c'était... son nom m'échappe. Begin, Menachem Begin. Ils font la guerre du Liban en 82. Donc les tanks arrivent à Beyrouth. C'est la France qui sauve Arafat et l'envoie en Tunisie, où il sera jusque 90, les accords de paix, soi-disant paix. Et Sabra et Shatila, donc c'est en fait la volonté d'Israël de donner le Liban aux chrétiens. Les chrétiens, il y en avait de gauche, il y en avait d'extrême droite, les phalangistes, qui étaient armés par Israël et qui sont allés dans les deux camps de Sabra et Shatila, égorgés. 800 personnes, je crois, plus peut-être 1200, enfin moins de 2000, quoi. Et voilà, donc à ce moment-là, il y a un énorme discrédit d'Israël à l'échelle internationale qui l'oblige à reculer. Une pression importante. Et à l'intérieur d'Israël, le premier mouvement pour la paix, qui s'appelait Shalom Arshav, et qui réunit un million de personnes, je crois, dans la rue. Donc c'était énorme, en fait. Les Israéliens étaient, y compris eux-mêmes, choqués de ce que leur armée faisait en leur nom, à ce moment-là. Et il y a eu un important mouvement de refusnik. Donc ça, ça a aussi contribué à en gros, il n'était plus possible pour Israël de faire n'importe quoi. Bon. Pourtant, ils ont quand même continué. En 88, il y a la première intifada, qui naît... plutôt à la grande surprise de l'autorité de l'OLP, plutôt une nouvelle génération qui refuse d'être maltraitée, et la guerre des pierres avec Rabin qui dit que qu'il faudra briser, s'il faut on brisera les poignets de tous les jeunes Palestiniens pour qu'ils arrêtent de lancer des pierres. Et donc finalement les États-Unis, la droite américaine, Bush, menace Israël de leur couper leurs subventions s'ils font pas une conférence à Oslo, à Madrid, qui aboutisse à la reconnaissance d'une autorité palestinienne qui revient et que je qualifie de en fait bon, une représentation nationale, certes, mais qui est venue sans le rapport de force, avec l'accord du colon, et qui en fait avait fondamentalement pour rôle de faire la police des Palestiniens à la place d'Israël. C'est pour ça qu'ils étaient armés jusqu'au bout par les États-Unis. Et c'est pour ça que le Hamas a eu la popularité et a été élu en réaction. Et donc, cette autorité palestinienne, les accords de Camp David disaient qu'il y avait une zone A, une zone B, une zone C. Le cœur des villes était vraiment palestinien, une zone intermédiaire et toutes les routes stratégiques contrôlées par l'armée israélienne. Et ils repoussaient le problème des réfugiés, le problème des colonies, le problème de la capitale et la reconnaissance de l'État à plus tard. Un plus tard qui n'est jamais arrivé. Ouais, il faut que je m'arrête. Qui n'est jamais arrivé. Les accords de paix ont finalement... Il y a eu un moment une vraie volonté, un vrai espoir, y compris côté palestinien. Mais ça a été déçu dans la pratique par la perpétuation de la colonisation, l'assassinat de Rabin. Maintenant... La plus grande victoire contre Israël, ça a été le Hezbollah qui l'a infligé militairement, parce qu'ils ont obligé à ils ont défendu le territoire libanais. Israël a mis en place la division de la Cisjordanie et de Gaza. Le siège total de Gaza, y compris en allant flinguer des soutiens internationaux qui viennent en bateau pour essayer de stopper le blocus. Et bon, je pense que tout le monde connaît la suite où on en est. Je conclurai en disant qu'il y a deux jours, il y a une manifestation de BDS. Donc moi, je suis, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, je suis français, israélien, nationalité, mais je suis dans la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, BDS, qui a été mise en place par la société civile palestinienne. S'il y en a qui veulent, j'ai des brochures. Et cette campagne, c'est une manière pour les citoyens d'agir pacifiquement partout dans le monde en récusant les accords européens de collaboration économique, récusant les multinationales comme Veolia française, donc, qui va construire le tramway à Jérusalem. Et voilà, avec des campagnes pour briser, isoler économiquement Israël pour qu'ils entendent raison. Voilà. Et donc, il y a quelques Israéliens qui sont d'accord avec ça et qui bossent avec les Palestiniens qui sont ceux qui vont devoir... en fait, on est tous concernés, quoi. Voilà. Pour reprendre le concept d'Éduque Pop, parce qu'on a été rejoint par plein de personnes et on vous en remercie. Et on remercie également Daniel pour son exposé. Donc là, en fait, va se suivre un débat. Donc vous allez pouvoir poser les questions à Daniel. S'il a oublié des choses, etc., vous pouvez lui poser la question et débattre avec lui. Il n'y a aucun problème. Je vois que Daniel, tu as une fan base tout d'un coup. Tout est parti, c'est magnifique. Juste un tout petit point technique, il y a des gens qui viennent me dire ils vont faire une photo avec une pancarte parce qu'il y a une répression au Pérou, ils sont en train de faire une mine à ciel ouvert et les manifestants apparemment se sont fait durement répresser. Donc ils vont tout à l'heure, pour ceux qui veulent, ils vont nous appeler pour faire une photo, juste une photo, il faudrait qu'il y ait un maximum de monde pour envoyer à ces gens qui se font péter la gueule pour des bonnes choses malheureusement au Pérou. Voilà, alors maintenant, je ne doute pas qu'il y a plein de questions suite à cette intervention, donc qui veut commencer en fait le bal des questions? Oula. Monsieur. Je veux dire que les Israéliens, qu'il a dit qu'avec nous ne sont pas pour les Israéliens, ceux qui habitent dehors d'Israël. Mais ceux qui ont resté dedans, ils sont contre nous jusqu'à maintenant. C'est seulement ça. Merci. Je suis d'accord. Comment ? Ah oui, oui. Oui, des gens qui refusent le traitement qu'Israël inflige aux Palestiniens, parmi les Israéliens, c'est une minorité infime. Infime. Et il y a des Palestiniens qui sont devenus des Palestiniens israéliens aussi, les Arabes israéliens. Et parmi eux, il y en a certains qui se revendiquent comme palestiniens maintenant, qui sont beaucoup plus solidarisés avec leurs frères et sœurs des territoires occupés. Et qui même ont été, dans certaines manifestations, on leur a tiré dessus, quoi. L'armée israélienne leur a tiré dessus pour les empêcher de manifester. Ouais. Moi, j'avoue que bon, je comprends pas trop ce conflit. Ça m'a l'air très très très complexe. J'aurais juste voulu savoir, les sionistes, en gros, c'est des juifs, c'est des juifs croyants. Je comprends pas trop ce concept. Voilà. Est-ce que vous voulez plusieurs questions et je réponds ou on fait du tac au tac? Moi, je pense pas mal du tac au tac là. Ouais. Parce qu'à 17h, normalement, doit commencer à se réunir un rassemblement du collectif Niger ni état de guerre contre les bombardements que la France vient d'infliger en Syrie, soi-disant contre Daesh, mais qui ont tué 200 civils il y a 3 jours. Donc avec les Syriens, il y a aussi cette... je propose qu'on prolonge pas énormément et qu'on... à la rigueur, on peut se donner un nouveau rendez-vous, si vous voulez. Moi, je suis prêt la semaine prochaine. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question... donc on va peut-être prendre 2-3 questions et puis conclure comme ça, hein, ouais. Pour ta question, le sionisme initialement, j'ai expliqué que il y avait laïque, c'est laïque, c'est un projet national qui, au début du 20e là-bas, se retrouve dominé par l'aspect ouvrier. C'est les travaillistes. Le parti travailliste a dirigé le sionisme de 1915, je sais pas, jusqu'à 1979, 78, sans interruption. D'accord. Et ceux-là, ils étaient laïcs. Ils ont fait une constitution qui, quand même, qualifie Israël d'État juif et démocratique. Le problème, c'est que à un endroit où la majorité des gens étaient palestiniens et qu'on en a chassé la moitié, et que en fait il faut être juif pour avoir un certain nombre d'avantages qui te permettent d'être bien dans cette société, il y a en fait une contradiction dans cette idée. Mais donc l'autorité et le projet est essentiellement de gauche. Enfin, se dit de gauche, pardon. Il n'a rien de gauche. Mais moi, je pense qu'il n'a rien de gauche, qu'il est colonialiste. Mais les travaillistes font partie de la deuxième internationale avec le PS français, avec le Labour britannique et avec Gbagbo Côte d'Ivoire. Donc, en fait, voilà, il y a un lien. Il y a eu une porosité de la gauche française. Je disais aussi, Blum a soutenu Israël. Enfin, la gauche française au pouvoir aujourd'hui est sioniste. Voilà. Donc, mais pour revenir sur la question, en fait, il y a eu un tournant religieux à partir de 67. Quand Israël a conquis Jérusalem Est, le mur des Lamentations, c'était un moment d'exaltation religieuse. Il y avait de plus en plus de colons qui étaient là sur des motivations religieuses, extrémistes, une combinaison d'un projet ethnico-religieux colonialiste. Et ceux-là, maintenant, c'est eux qui sont les majoritaires dans les colonies. La droite, en arrivant au pouvoir dans les années 78, là, Ils étaient aussi avec la revanche des juifs arabes séparades, ils les ont soutenus et remis en avant. Et donc ceux-là, ils étaient sur des bases religieuses aussi. En fait, la société israélienne s'est énormément confessionnalisée. Voilà. Jérusalem est une ville religieuse. Tu traverses certains quartiers en étant une femme avec une jupe trop courte, on te jette des pierres. Voilà. Tel Aviv est une ville hédoniste, comme Paris, quoi. Hein. On fait la fête sur la plage, ça ressemble à Los Angeles, quoi. Donc Israël est extrêmement divisé là-dessus. C'est des gros conflits, mais en fait, dès qu'il y a un problème avec les Palestiniens, ils se ressoudent. Bon, et au final, donc pour finir de répondre à ta question, le sionisme est en train de se religiosifier de plus en plus. Voilà. Alors, vous nous avez parlé du passé un peu, donc j'aimerais savoir votre avis en tant qu'historien sur l'avenir. Quels sont vos pronostics, comment vous voyez l'avenir? Je sais que c'est pas facile, mais comme vous avez étudié le passé, vous pourrez peut-être nous parler un peu d'avenir. Et comment ça se fait aussi que Daesh n'attaque pas Israël directement. Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou... Merci. Alors, Israël est un État puissant et soutenu par le bloc États-Unis-Europe. Tant que ça sera le cas, c'est très dur pour les Palestiniens, qui depuis toujours résistent essentiellement par le simple fait d'exister. Pas seulement, hein, il y a toute la résistance politique, etc. Et le BDS. Mais le simple, la vie quotidienne là-bas, c'est tellement dur que la détermination à rester et à pas se casser, c'est déjà un acte de résistance au quotidien. Les perspectives sont pas évidentes parce que il y a eu les révolutions dans le monde arabe. Juste avant, il y a eu une marche des réfugiés palestiniens qui sont allés aux frontières d'Israël. Il y a la résistance palestinienne est toujours vivante. Voilà, elle est toujours vivante. Et moi, je défends ce qu'elle propose, qui est le BDS, pour agir actuellement. Et donc, je ne sais pas ce que donnera l'avenir. J'appelle tout le monde à vouloir que partout règne l'égalité et qu'on refuse le colonialisme. Donc, qu'ici, on boycotte les produits venant d'Israël, qu'on appelle à des sanctions internationales pour soutenir la libération de la Palestine. Et donc ça, c'est une pratique, indépendamment de on y arrivera, on n'y arrivera pas, je pense que c'est la justice qui demande ça. Voilà. Ça, c'est... Après, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'Israël... Et d'où l'importance, d'ailleurs, en tant qu'Européen, à accentuer cette campagne, à la faire vivre. Et il faut voir que cette campagne, elle occupe un rôle. C'est un truc que je voulais dire. Il y a des gens de BDS à Lyon, il y a deux jours, qui, juste parce qu'ils ont proposé le BDS, se sont fait tous mis au commissariat pendant 5 heures. Et il y en a un qui est resté jusqu'à ce matin. Et ici en France, maintenant, quand tu veux déposer, à Paris, quand tu veux déposer n'importe quelle manifestation depuis 3-4 mois et un vœu du conseil municipal, tu dois dire que tu t'engages à ne pas appeler au boycott d'Israël. Voilà. Donc, je me suis pas planté de t-shirt. Là, celui-là, c'était une marche qu'on a fait de BDS à Grexco. C'est une compagnie d'exportation de fruits israéliens, hein, les oranges de Jaffa, et qui arrivait au port de Sète. Et donc j'ai oublié ce qu'il y a derrière parce que ça fait des années, mais en gros on a manifesté dans le 34 là dans l'Hérault à Montpellier, et on a obtenu que cette entreprise ne respecte, enfin étant un instrument de la colonisation là-bas et avec ses profits financiers, une pérennisation de cette colonisation, donc il y a pas moyen de dealer avec eux. Donc on a obtenu qu'ils aient pas l'accord de débarquer leurs fruits au port de Sète. Voilà. Donc ça, c'est une victoire de BDS. Et voilà. Et en disant ça, je suis donc hors la loi. Et j'attends la police française pour... parce qu'ils ont arrêté Asna, qui est une militante de Nuit Debout, pendant une manif féministe, il y a un mois. Ils l'ont prise dans la manif parce qu'elle portait le t-shirt BDS, noir et orange. Et ils l'ont arrêté. Finalement, ils l'ont convoqué au commissariat, elle n'a rien eu. Pour le simple fait de prôner le BDS dans une manif, quoi. Ils ont voulu faire un exemple. On était 2000 à manifester pour elle. C'est pas passé. Donc voilà, il faut que ça. Mais après, pour revenir sur l'avenir et sur Daesh, les peuples arabes sont opprimés avant tout par leurs dirigeants. Et la révolution en Tunisie et en Égypte m'a donné des espoirs. Et je pense qu'il fallait que ça ait lieu. En Égypte, c'est devenu une réaction atroce soutenue par l'Occident. Mais ça va pas tenir éternellement, cette histoire-là. La France et les États-Unis. Alors pourquoi Daesh n'attaque pas Israël? Il faut savoir qu'il y a un petit peu de Daesh qui commence à naître dans la bande de Gaza, comme en Cisjordanie, comme chez les Palestiniens d'Israël. tout petit peu, mais le Hamas, il les décapite, hein. Enfin, il les décapite, il les flingue, mais voilà, c'est un gros. Mais il y en a quand même un petit peu. Maintenant, Daesh, son objectif principal n'est pas du tout Israël, hein. Il faut même savoir que Israël a soigné des militants de la révolution syrienne qui étaient des islamistes radicaux. Ça, j'en suis sûr. Et que l'OTAN, en la personne de la Turquie, a favorisé le trafic pétrolier Daesh. Donc en fait, Daesh est en même temps l'expression, à mon avis, d'une résistance, malgré tout, hein, là-bas, des Irakiens sunnites qui se sont fait dégager par les chiites et qui ont adopté cette idéologie extrêmement réactionnaire au plan religieux et social, etc. Mais en gros, ils représentent l'islam contre le colonisateur, contre l'envahisseur. Il y a cette rhétorique-là qui est présente. Et en même temps, leur manière de faire, c'est de nous diviser. Et là-bas, en fait, ils font des attentats atroces pour imposer leurs lois. Je sais qu'une chose, c'est que la France, en allant les bombarder, elle nous décrédibilise totalement. On a fait assez de merde. On est responsable de la situation du Proche-Orient par les accords de Sykes-Picot. Voilà. Et par tout ce qu'on a fait depuis et qu'on continue à faire avec l'Union européenne et l'armée française. Et donc, la première revendication en tant que Français, c'est le retrait de toutes les troupes, l'arrêt de bombardements et le soutien avec les Syriens debout, avec les Palestiniens, avec les quelques Israéliens anticolonialistes. Et même, je ferai le lien, et je voudrais aussi parler de ça deux secondes, c'est parce que c'est l'actualité, là, à Beaumont-sur-Oise, il y a des émeutes, mais je pense que le fait que les Français soient capables de combattre la fracture coloniale que notre État et nos entreprises, l'État qui nous gouverne et les entreprises qui règnent sur nous et qui font régner la discrimination parmi nous, une discrimination géographique, une discrimination sur tous les plans. Voilà, les liens Paris-banlieue, l'anticolonialisme en pratique, c'est ça aussi, quoi. Voilà, donc il y a un traitement différent suivant la couleur de peau par la police française. Donc, j'aurais bien aimé être à la manifestation qui est actuellement là-bas, quoi. J'espère qu'on en fera encore avec eux. Point. On a 4 interventions encore. Dont le monsieur, voilà. Il vient vers moi, c'est magnifique. Bonjour, je me présente, je suis Ulysse. Bon, alors, pour relier la demande, la question sur l'avenir, qui me semble fondamentale, moi je n'ai pas de notions sur l'actualité et même sur l'histoire, hein. Mais il me semble que si jusqu'à qu'on n'a pas clarifié le passé, on peut difficilement envisager l'avenir. Et pour moi, les passés des deux peuples sont déterminants, puisque si c'était notre peuple que les Palestiniens, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Si c'était notre peuple que les Israéliens, il y aurait un autre problème. C'est tout différent. Mais des origines, et là j'ai des petites connaissances, mais que j'évoque quand même, les problèmes est un retard, et je m'excuse, un retard de culture. Cet retard de culture est accentué à travers les siècles. Et je juge les peuples israéliens plus intelligents, la culture du peuple israélien plus intelligent que les peuples palestiniens. Mais il faudrait que j'explique ce que j'entends par intelligence, parce que ça ne fait pas une différence supérieure et inférieure, c'est plutôt technique. Alors, à l'origine, il me semble qu'Abraham, avant d'avoir son enfant légitime, un autre qui n'était pas légitime. Et voilà que Ismaël est rarement, très rarement cité dans la Bible. Et qu'on le trouve aussi à peine cité dans les Corans. Et pourtant, les deux cultures avancent ensemble. Une en tant qu'exclue du progrès et l'autre, en tant que gagnant la bagarre, s'affirme, elle prend le territoire parce qu'elle est plus forte, gagne les guerres et gagnera toujours les guerres. Jusqu'à ce qu'on n'aura pas fait une analyse correcte de la situation religieuse et politique, puisque les deux cultures sont des cultures qui mélangent la laïcité et la religion. Et à partir de là, il ne me semble pas possible que l'avenir puisse être envisagé avec des progrès, un progrès quelconque, sauf un drame, c'est-à-dire, je ne dis pas un génocide, mais quelque chose qui obligera un des deux à mitiger l'un ses prétentions et l'autre à faire l'effort qu'il est sûrement en mesure de faire, mais il faudrait qu'il passe un peu son histoire et l'histoire de leur religion. Voilà, c'est une opinion, mais il me semble qu'on ne parle pas assez, franchement, ni de l'un, ni de l'autre, ni de la Bible, ni du Coran. Et s'il y avait des chrétiens entre les deux, et sur place, plus nombreux, peut-être il y aurait eu une autre évolution, dans le sens que le christianisme a du départ, et après il n'a pas été écouté, évidemment, fait la distinction, un peu à la romaine, un peu à la grecque, entre la religion et l'État. Donner à César ce qu'il y a de César, et donner à Dieu ce qu'il y a de Dieu. Et même, sans être, même en étant athée, on peut comprendre cette séparation. Voilà. Entre des personnes qui ont les mêmes dieux et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est qu'il y a un problème profond. Et ce problème profond, la solution pour l'avoir, nous, à travers l'étude de l'histoire, des textes, et peut-être trouver un moyen de convaincre l'un et l'autre, non pas à renoncer à la religion, mais à accentuer leur laïcité. Voilà. Merci. Alors, petit point technique, puisque on a un autre débat qui est derrière. Ce que je vous propose pour les prochaines interventions, on a le temps de faire encore une question, mais de prendre les autres questions que vous aviez. Et en fait, Daniel reviendra dimanche prochain à 16h, c'est-à-dire qu'il note les questions et il pourra répondre dimanche prochain à 16h. Si vous n'êtes pas sur la place, au pire, c'est sur Mixcloud. Vous aurez les réponses directement en allant sur Internet. Voilà, on est désolé, mais c'est vrai que ça a un sujet qui est vaste et qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, il y avait le monsieur qui était noté, et après les questions que vous vouliez poser, je crois qu'il y avait deux personnes, trois personnes qui voulaient parler. Donc voilà, la dernière question pour le monsieur, et après on notera les autres. Oui, bonjour, je vous prie de m'excuser d'être venu avec un siège, parce que si ma vigilance est debout, mes jambes quelquefois c'est irrépugne. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant la Palestine. Il se trouve que j'ai, pendant la guerre de Gaza, consacré un recueil poétique à la défense de la cause du peuple palestinien. Mais avant de vous proposer la lecture du poème que ça m'a inspiré, je voulais revenir très brièvement sur la question de Daesh et d'Israël. Il ne faut pas oublier qu'Israël a encouragé le Hamas contre l'OLP, compte tenu de ses orientations progressistes et laïques. Et donc, on peut difficilement attendre de l'Israël, de son intégrisme, qu'il soit un véritable rempart contre un intégrisme religieux non moins fanatique, bien qu'il s'inspire de toute autre source en général. Et je dois dire que vous avez devant vous aussi quelqu'un qui a reçu il n'y a pas longtemps un mail de menace de la part de la brigade juive, pour autant que je fais partie du mouvement du boycott. Alors voici le poème qui m'a inspiré la question palestinienne dans ce recueil. C'est un poème. Oui. C'est un poème que j'avais écrit avant que n'éclate cette deuxième agression contre Gaza. Olivier qu'on arrache et qui pleure sa terre. Que foule du colon le pas impérial, jusqu'à s'enorgueillir d'un pacte immémorial qui l'en consacrerait comme seul légataire. Terre où ne germe plus qu'une absence de germe, qu'un mur ghetto sillonne, en faisant un proscrit et sur son propre sol d'un peuple qu'il meurtrit, mur qui sur son geôlier lui-même se referme. Trop aveugle geôlier, entraîné pour son malheur, ruinant son idéal qu'il voulait prophétique, par un renversement d'histoire pathétique, opprimé qu'il était, de renaître oppresseur. Terre que l'on dépaisse et morcelle et disloque, et qui se rétrécit comme peau de chagrin, à laquelle on promet, mais sans nul lendemain, un état qui n'aurait pour drapeau qu'une loque. Ô terre, dont Gaza forme une plaie béante, où l'habitant, objet d'un blocus inhumain, au gré de l'occupant survit ou meurt de faim, quand il ne subit pas des bombes l'épouvante. Terre exsangue, confin d'une façon soudaine, dans un Proche-Orient à présent dévasté, de remettre à l'honneur, en ayant concocté le traquenard de quelques ultimes mises en scène. Terre d'humiliation, terre de résistance, qui n'a pour arme que son courage et son cri, d'hypocrites alliés, comme fragile appui de l'occupant nous en heurter la préséance. Terre de l'Occident, la honte, ô toi qui nommes toutes les lâchetés et tous les abandons, qui des pires conflits allument les brandons quand la guerre des dieux fait la rage des hommes. Tu portes dans tes flancs ainsi qu'une gésine, pour peu que l'on t'écoute et te respecte enfin, et qu'une juste paix à tes maux mette fin, une fraternité plurielle aux Palestine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je vais passer le micro juste donc, pour noter les questions pour samedi. Il y a donc, il y avait... Oui, d'abord, je trouve ça assez courageux de ta part, en tant que citoyen israélien, de dénoncer la politique d'Israël. Et donc, moi, en fait, j'ai, alors, une première question, c'est, donc, si je comprends bien, toi, comme solution au conflit, tu proposes, alors, d'une part, le boycott, si j'ai bien compris, mais est-ce que dans l'histoire, tu connais des... est-ce que le boycott a déjà fonctionné comme outil? Moi, je pense au boycott qu'il y a eu en Irak, et il me semble que ça a davantage pénalisé les populations des classes populaires que les populations, disons, gouvernantes. Et ça a nourri le marché au noir, première question. Et deuxième question, alors moi je connais pas trop l'antisionisme, mais si j'ai bien compris, donc toi tu es contre un État israélien et tu es pour finalement qu'il y ait une sorte de diaspora à travers le monde. Et donc, enfin je sais pas, peux-tu nous préciser quelle est en fait ta vision en fait donc, alors, si tu es contre un État par exemple, donc alors j'ai deux questions à te poser. Donc, qu'est-ce que tu fais des citoyens qui sont sur place? Est-ce que tu les expulses? Et dans ce cas-là, vers où? Première question. Et deuxième question, concernant l'argument qui est très fort auprès du peuple juif, que au cours de l'histoire, c'est un peuple minoritaire qui a été extrêmement persécuté. Et puis, bon, avec le nazisme, c'est peut-être la plus grande persécution. Et donc, l'État, justement, leur apporte une sécurité. Voilà. Alors, quel argument, je dirais, rationnel, tu as à opposer à celui-ci? Puisque s'il est question qu'il n'y ait plus d'État et qu'on revienne à l'ancien type diasporique, à ce moment-là, dans quelle mesure tu penses que ce peuple pourrait être protégé contre d'éventuels nouveaux génocides? Voilà. Les questions ont été claires? Ouais. Ça a l'air d'être assez vaste. Tu feras tes devoirs cette semaine. C'est bon? Je vais juste avoir l'adresse mail du site, pardon, où on peut voir si on n'est pas présent dimanche prochain, savoir où est-ce qu'on peut se connecter pour avoir le. Tu l'as juste là. Le Mixcloud, je te laisserai tout à l'heure regarder la pancarte. Sinon, c'est sur le Facebook Debout Éducation Populaire. Les Mixcloud sont mis à jour, je crois, non? Voilà, edupop.org. Et donc, hop, je vais ici. Je ne crois pas qu'il y ait une solution militaire ni diplomatique est possible. Et je suis d'accord avec le camarade qui a parlé de l'embargo, qui n'est pas une solution. Je crois que le nationalisme arabe, comme le nationalisme noir dans les États-Unis, n'est pas une solution. Je crois qu'il faut d'abord avoir un programme révolutionnaire qui peut attirer les travailleurs israéliens comme les travailleurs arabes, africains et suivants. Et que ce programme doit être révolutionnaire ou il n'est pas le programme de quoi dont il faut. Donc. Sinon révolutionnaire, nous avons les programmes. Si, okay. So, nous avons besoin pour lutter contre l'impérialisme, contre la colonisation, contre l'exploitation, d'un programme vraiment révolutionnaire qui pose la question du pouvoir dans l'État qui a les droits des gouverneurs, si les travailleurs ou les patrons. Et la question militaire est une question permanemment politique parce que les armées palestiniennes, si les Six ne pourra jamais vaincre Israël, mais une armée révolutionnaire politique comme l'armée rouge de la Russie révolutionnaire pourra le faire avec les Israéliens, une brigade internationale comme en Espagne, et peut-être, mais la question principale c'est la question du programme. Et je pense que personne parle de ça. Ok. Ça a été clair pour toi ? Ok. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour ton exposé. Adèle va passer avec une petite boîte à dons, puisque il nous faut un petit peu de sous-sous pour pouvoir organiser tout ça. Et voilà, on est des humbles bénévoles. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez rester, hein, puisque maintenant il va y avoir un débat sur... sur l'éducation et l'urgence à donner des moyens à l'éducation. Ouais, j'ai dit pour la pancarte, il n'y a pas de souci. Donc, vous venez, vous nous donnez, enfin, quand vous êtes prêts, vous venez nous voir et on viendra faire des photos avec vous pour nos copains péruviens. C'est tout de suite là, dans quelques instants là. C'est bon. Bon bah, on me dit que c'est bon. Je te tends le micro. Ah, petit point technique juste avant. Donc c'est, pour les gens qui veulent faire la photo, c'est tout de suite maintenant. Ça va prendre quelques secondes. Désolé.